Je vis, je vois, je vais, je rappe, je traîne, je saigne, je fais ce que je peux, je pas encore dégueu, j'ai rien fait, tu me parles de peine, je débarque en TN, des boules, des coups de boîte sur le BPM, je t'écoute, pam, des good pas, écoute du doudou dans le beau PM, je roule en Twingo, je mets pas l'essence, les Schmitt ils font que des grosses descentes, les bandeurs d'hommes, je les aime pas, 1, 3, 5, ouais, je représente, on plaisante pas, casse mon cœur, je te cartouche, combien j'en ai vu partir, ça arrête le shit des artouches. Touche mon frère, je te casse le nez. C'est pas venir seul, je fais cramener. On t'a pas sonné. On t'a déjà dit qu'autour de nous faut pas zoner. Dis-moi Franco si j'ai pas le level. Dis-moi Franco si tu me mets l'œil. Je veux le RS4, l'alias. Y'a trop de putes, les potes, je m'enlace. Et aujourd'hui, toutes ces connasses, ils te lèvent ton produit et t'es lassé. Je joue pas le killer, j'ai trop de choses à dire. Rien que ça tire, la galère nous attire. Tu m'entends dans mon secteur, j'ai rien fait monsieur l'inspecteur. Je suis pas le killer, j'ai trop de choses à dire. Rien que ça tire, la galère nous attire. Tu m'entends dans mon secteur, j'ai rien fait monsieur l'inspecteur. J'ai pété 3h du mat, la miss veut que je l'attende 20 minutes. Je suis avec Skiz, il en fait un, qui est devant la 2001. Tu fumes le shit, bah diminue. J'ai fait un ramène-moi 10 minutes, je pourrais garder le flow 10 minutes. Rappeur tout droit sorti de Vénus. Tu deviens trop nul avec tes blagues que je connais depuis 10 ans. Depuis 10 ans, que je t'esquive chaud comme quand les Schmitt en rondissant. 13005 l'arrondissement, où les petits grandissent mal. Tu sais quoi, c'est ton pote qui se manque, si t'aimes pour se rattraper, il se manque. Y'a trop de super-héros qui te connaissent pas, qui veulent t'attraper. Pour te ramener au Zif, qui ensuite lui veut te matraquer. Même dans le dos, menottes serrées, déférées au parc. Et dans la tête, c'est pas clair. Quand t'avoues pas, ils te mettent des paquets. T'es pas con, j'suis pas contre, mais t'as des défauts. Tu veux me tester, mais par contre, t'es en vélo, j'suis en vaisseau. Tu sers tout seul, j'crois que c'est le shit. Tu pleures tout seul, j'crois que c'est les chats. Le temps passe, qu'ils enroulent un autre, et après on s'échappe. J'suis pas le killer, j'ai trop de choses à dire. Rien que ça tire, la galère nous attire. Tu m'entends dans mon secteur, j'ai rien fait, monsieur l'inspecteur. J'suis pas le killer, j'ai trop de choses à dire. Rien que ça tire, la galère nous attire. Tu m'entends dans mon secteur, j'ai rien fait monsieur l'inspecteur. Dis-moi qui est vrai dans ce bas monde, ils sont pleins de belles paroles. Ils mangent dans le plat qu'a fait la daronne, et après te carotte. Et demande à Svat, gros l'instru, j'y nique le grand-père. Combien j'ai vu de grand-pères, comme les Paoli, je veux de grand-père. Qu'est-ce que tu passes pas ton stunt, t'as craqué, tu crois que c'est un T-Max. Relax, pas le mec, je sais qu'elle est pas à toi la Rolex. Ça va, ouais toujours, je casse pas mon bleu, me reste que lui. Que dire à part que je vais faire des meudes, tu peux appeler Scully. Comme FF, je fais là où la vie mène, je fais comme s'il me reste une heure. Je compte les jours passés, je gamberge trop là, je suis pas d'humeur. Faut voir qu'il y a des gens qui meurent, faut croire qu'il y a des gens qui tuent. Je suis sur la route en runner, sans casque et sans inquiétude. Et je suis content de savoir, gros, que ça m'écoute jusqu'à Nice. Et si je pète pas cette année, c'est comme si je perdais la mise. J'ai plus un love, j'accroche plus au love. Y'a les Schmitt me sauf, équipé dans la gove. Joue pas le killer, j'ai trop de choses à dire. Rien que ça tire, la galère nous attire. Tu m'entends dans mon secteur, j'ai rien fait, monsieur l'inspecteur. Joue pas le killer, j'ai trop de choses à dire. Rien que ça tire, la galère nous attire. Tu m'entends dans mon secteur, j'ai rien fait, monsieur l'inspecteur. 3-5. C'est un pointe. Un petit pointe. Aïe. Tout tout. Allez, allez. Emballez. Votre flow est cellophane.